إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نقول الحمد لله رب العالمين ونكمل الدرس là on était arrivé la dernière fois donc il y a deux petits points que je voudrais mentionner avant de commencer inshallah premièrement le fait qu'on ait commencé le darf Dar al-Arqam pour certains frères yani sont pas encore arrivés yani c'est un peu loin sauf qu'il faut pas oublier que yani dans le fait de se déplacer toute cette distance il y a une ajr, il y a une récompense dans le fait que la distance soit plus prolongée. Et lorsque notre intention est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est évident que le fait de faire ces pas là, inshallah, wa alaykum salam wa rahmatullah, et bien c'est considéré comme yani une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: man salaka tariqan yaltabisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc ça veut dire celui qui prend un chemin ou qui marche sur un chemin dans lequel il recherche de la connaissance, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter, à cause de cette connaissance, un chemin vers le paradis. Donc ça veut dire que les pas et les efforts qu'on fait dans le chemin de la connaissance, et bien c'est considéré comme une forme d'ibadah, une forme de jihad fi sabilillah. Donc talab al-ilm, c'est une des plus grandes formes d'ibadah. Donc ça c'était le premier point que je voulais mentionner. Deuxièmement, ce que je voulais mentionner, c'était que la dernière fois on avait parlé d'un point, et puis on va en... De toute façon, ça fait partie du sujet dont on va parler tout de suite, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc, le chapitre d'aujourd'hui dans le livre du Cheikh Salih Al-Fawzan, qui fait partie de Hay'at Kibar al-Ulama en Arabie Saoudite, comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, dans son livre Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, qui signifie en français l'orientation vers la croyance correct, ou vers la vraie croyance. Et la suite du titre, c'est « وَالرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ » et la réfutation des gens du shirk et de l'ilhad, c'est-à-dire de ceux qui nient ou qui rejettent la religion d'Allah. Donc ça, c'est le titre du livre. Et le chapitre où on est arrivé, c'est ذكر خصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا c'est-à-dire de mentionner les particularités du prophète محمد صلى الله عليه وسلم d'une façon globale. C'est quoi ses caractéristiques par rapport aux autres messagers d'Allah? Le cheikh dit: للرسول محمد صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها من عن غيره من الأنبياء وخصائص اختص بها عن أمته والخصائص التي اختص بها عن غيره من الأنبياء كثيرة منها. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit pour commencer? Il explique que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a plusieurs caractéristiques par lesquelles il se distingue des autres messagers d'Allah ou des autres prophètes. Et il a d'autres caractéristiques qui sont particulières à lui et par lesquelles il se distingue par rapport à sa umma en général. Donc, il y a les distinctions par rapport aux messagers et aux prophètes. Et il y a les distinctions par rapport à la Ummah en tant que Ummah, yani en général. Donc le cheikh il dit que, pour commencer, il dit, les distinctions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, ou les particularités par rapport aux autres prophètes, eh bien elles sont nombreuses. Donc il commence à en énumérer quelques-unes, et il dit en premier, « إِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ قَالَ تَعَلَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. C'est-à-dire, la première caractéristique qu'il mentionne, c'est qu'il est le sceau des prophètes. Celui qui est venu clore la série de messagers et de prophètes que Allah a envoyé à l'humanité. C'est lui le dernier. Et il mentionne le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était le père d'aucun d'entre vous hommes. Mais par contre, il était le messager d'Allah et le dernier des messagers. Khatim al-Nabiyyin. Khatim al-Nabiyyin. C'est-à-dire, celui qui vient sceller la prophétie. C'est le verset dans Sourate Al-Ahzab, le verset 40. Et il mentionne un autre hadith. Le cheikh mentionne un hadith dans lequel le prophète Hassan dit, je suis le sceau des prophètes, aucun prophète ne viendra après moi. D'accord? Plus loin dans le chapitre, il va discuter de ce point de khitam au khitmatul risala en plus de détails. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce point-là trop longtemps, puisque je voudrais garder ça pour plus tard justement, parce qu'il va en parler plus tard. Dans un autre cours, Inch'Allah, prochain, et on va passer au deuxième point parmi les caractéristiques, c'est Al-Maqam al-Mahmoud. Al-Maqam al-Mahmoud, le Cheikh, je vais lire ce qu'il dit, puis après on va l'expliquer. Le Cheikh dit, Al-Maqam al-Mahmoud, huwa al-Shafa'atul Uzma, kama fi qawlihi ta'ala, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Wa kama fi hadith al-Shafa'a, al-Tawil al-Mustafaq ala sihatih, أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكلهم يقول اذهبوا إلى غيري إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها فيخر ساجدا إلى أن يأذن له بالشفاعة وبهذا يظهر فضله على جميع الخلق واختصاصه بهذا المقام. Donc, le chef il explique ce que ça signifie, le maqam al-mahmoud, c'est la position de gloire que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner au jugement dernier. Et c'est en fait, c'est la grande intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner au jugement dernier. Comme par exemple dans le verset, dans Sourate al-Isra 79, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « Asa an yab'athaka rabbuka maqam al-mahmouda » Allah subhanahu wa ta'ala te mettra dans une position de gloire. Et comme il a dit dans le hadith, comme il a dit dans le hadith qui est très long, donc qui est yani muttafaq alayh, ça veut dire il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc le hadith authentique de la, du plus haut niveau d'authenticité, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va rassembler tous les hommes au jugement dernier, les premiers et les derniers, et il va les mettre sur une place, sur une grande étendue, et tout le monde sera rassemblé, et chaque personne va dire à l'autre, ne voyez-vous pas dans l'état dans lequel nous sommes, ne voyez-vous pas qu'est-ce qui nous arrive, et yani, ils vont dire, est-ce que vous ne voyez pas personne à qui on pourrait demander pour l'intercession auprès de notre Seigneur, alors ils vont aller au messager d'Allah, un par un, ils vont se présenter à Adam, pour lui demander l'intercession. Ils vont demander ensuite à Noé, et ils vont demander à Abraham, et à Moïse, et à Isa, Jésus. Ensuite, ils vont aller à Muhammad, alayhi salatu wa salam, wa alayhim ajma'in. Et ensuite, chacun d'entre eux vont dire, allez à autre que moi. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Allez voir quelqu'un d'autre. Excepté Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il va dire, moi, je suis ça y est, moi je peux faire quelque chose dans ce sujet, et donc il va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va se prosterner. Il va se prosterner, il va rester prosterné face par terre jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui permet, lui donne la permission d'intercéder. C'est-à-dire, cette shafa'a, elle est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, ça va montrer en fait le mérite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a par-dessus toute la création ce jour-là. Et la particularité qu'il a dans cette position de gloire par rapport aux autres prophètes, puisque les autres prophètes n'auront pas cette, ce privilège de pouvoir avoir cette position-là, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que on dit après le azan, lorsqu'on est dans la mosquée, on écoute le azan. Lorsqu'on est dehors, on entend le azan dans les pays musulmans. Et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un dua à dire. Lorsque, on entend, après avoir entendu le azan, Allahumma, comment ça commence? نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة أتي محمدنا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته donc يعني on parle ici de المقام المحمود aussi et c'est ce dua que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enseigné pour qu'on demande à Allah سبحانه وتعالى pour le prophète صلى الله عليه وسلم cette voici-là et cette fadila, et de lui donner le maqam al-mahmoud, qui sera donné à une seule personne uniquement. Et donc, de faire ce dua, c'est faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce privilège et cette particularité, inshallah. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la suite, le cheikh il continue, il dit, عمومu بعثته إلى الثقلين الجن والإنس قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا نوت آية الله جي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا نوت آية الزعقاء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Et dans une autre ayah, il dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et encore « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ » Donc le chef, il mentionne tous les versets, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne ici les exemples. Il dit qu'une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a été envoyé à tous les astaqalain, c'est-à-dire aux deux mondes, les djinns, le monde des djinns et le monde des ins, aux hommes et aux djinns. Tandis que les autres messagers avant, eh bien, ils n'avaient pas été envoyés, excepté pour leur peuple. Et Allah, le chef, il mentionne quelques versets à ce sujet. Juste un instant. Donc, le premier verset que le Cheikh mentionne, on l'a mentionné au dernier cours, c'est dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Ça, c'est une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas envoyé uniquement aux Arabes ou à un seul peuple, mais était envoyé à tous les êtres humains sur la terre et à tous les djinns aussi. Ça c'est un verset, ici c'est Ya Ayyuhan Nas, mais après il y a un autre verset qui mentionne les djinns aussi, vous allez voir, Inch'Allah. L'autre verset par la suite qui est mentionné, celui-là il est dans Al-A'raf 158, l'autre verset c'est nous t'avons envoyé à tous les hommes, comme avertisseurs, et comme annonciateurs et avertisseurs, mais la plupart des hommes ne savent pas. Et dans un autre verset il dit, béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le Coran. Hein. On l'appelle le Furqan parce que c'est le discernement. C'est qu'est-ce qui fait qui nous aide à distinguer entre le vrai et le faux. Le halal et le haram. Le shirk et le tawhid. Le sunnah. Yani le bien et le mal en général. Donc, le tahara, le najm, toutes ces choses-là. Allah nous a envoyé ce livre comme un discernement. C'est pour ça qu'il a appelé Al-Furqan. Donc, il a dit, Nazzal Al-Furqan ala ibadi. Il a envoyé le Furqan sur son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit un avertisseur pour le monde. Dans un autre verset aussi, Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour le monde. C'est-à-dire pour toute l'humanité, même pour les djinns et aussi pour toutes les créatures. Dans un autre verset, Allah SWT dit, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et lorsqu'on a fait qu'un groupe parmi les djinns se tourne vers toi et écoute le Coran. Et lorsqu'ils se sont rassemblés, ils se sont dit les uns les autres, écoutez, soyez silencieux, c'est comme si ils ont dit, pouvez-vous écouter, parce qu'ils ont entendu le Coran être récité. Et lorsque c'était terminé, ils sont partis vers leur peuple comme annonciateurs. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fini d'entendre la récitation du Coran, ils sont partis et ils ont dit à leur peuple, on a entendu un Coran, et un surat al-Jinn aussi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. La surat qui dit, قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّمَا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Donc, ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Jinn, il parle de cet événement-là aussi. Après le chef il dit, والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق والجن والإنس إذ كانت رسالته عامة للثقلين وإن كان من أسباب النزول ما كان موجودا في العرب فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه من حيث الحكم باتفاق المسلمين فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الزهار أو اللعان أو حد السرقة أو المحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Salam alaykoum. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que les versets du Coran sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un discours qui s'adresse à toute la création, aux djinns et aux hommes. Et la raison de ça, c'est parce que son message est général, et pour toute la création, pour les taqalayn, pour les hommes et les djinns. Même si la cause d'un verset était révélée pour une personne en particulier. Parce que, on sait, comme on sait, dans les livres de tafsir, souvent, vous allez lire qu'un verset était révélé, au sujet d'une occasion en particulier, ou pour un sahabi en particulier, qui avait fait telle ou telle chose, et donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre un verset au sujet de ce sahabi, qu'est-ce qui était arrivé à ce moment-là, pour répondre ou clarifier une situation à son sujet. Et il y a beaucoup d'exemples, au sujet par exemple du divorce, au sujet du zihar, c'est-à-dire celui qui a dit à sa femme, ton dos est comme le dos, tu es comme le dos de ma mère pour moi, c'est-à-dire c'est une façon que les Arabes utilisaient quand ils divorçaient leur femme, ou ils disaient ton dos est comme le dos de ma mère, et ça voulait dire que ils n'avaient plus le droit de l'approcher. Ça, c'est un exemple qui était révélé dans Surat Al-Mujadala. Si vous regardez, vous allez voir ce que c'est ça. Et si vous allez voir la cause de la révélation, qu'est-ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation d'un verset, vous allez voir que les noms des personnes au sujet desquelles ces versets-là ont été révélés sont clarifiés, expliqués, puis les occasions et les événements, tout ça c'est décrit puis expliqué. D'accord? Sauf que, il ne faut pas comprendre de ça que, il ne faut pas essayer de limiter la signification ou les règles du Coran, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les règles du Coran aux causes pour lesquelles elles ont été révélées. C'est-à-dire, elles sont générales. Les versets, les règles dans le Coran sont générales. L'ordre de la prière, c'était révélé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, par exemple, Ya ayyuha al-muddassir, qum al-layla illa qalila. Mais Allah lui dit de prier par la nuit. Mais ça ne veut pas dire que ça s'adresse uniquement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça s'adresse aussi à la Ummah aussi. C'est-à-dire, quand le verset s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien en même temps, ça s'adresse à la Ummah en général. C'est pas uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour faire comprendre ça, c'est parce qu'il y a des gens, ils limitent le verset, les règles qui sont dans un verset à une époque. Et ça c'est dangereux et c'est grave. Surtout, qui est-ce qui fait ça? C'est les gens de bid'a, les gens de shirk. Comme par exemple, ils vont dire, mais par exemple, tu leur dis, quand vous allez adorer les idoles, quand vous allez adorer par exemple, les tombes, et les morts, et les awliya, vous dites que c'est pas shirk. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les versets qui sont révélés dans le Coran, qui montrent que ce qu'ils font c'est du shirk, et eux ils disent, mais vous pouvez pas appliquer ces versets-là sur nous, parce que ces versets-là étaient révélés à propos des mouchriquins. Tandis que nous, on n'est pas des mouchriquins, on a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc vous pouvez pas appliquer sur nous ces versets. Hein? Comme si les versets qui parlaient des mouchriquins se limitaient uniquement aux mouchriquins de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme si, par exemple, les versets qui sont révélés sur les chrétiens, on ne peut pas les appliquer à des musulmans qui ont dévié de l'islam, qui ont commencé à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou à faire des du'as aux prophètes, ou à faire des du'as aux salihin et aux awliya. Ça, c'est un exemple. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne des règles dans le Coran, ou quand il révèle des versets, eh bien, ça ne signifie pas uniquement aux gens pour lesquels, au sujet desquels, ils ont été révélés. C'est pour ça qu'il y a une règle. C'est les chouurs que les ulama mentionnent à chaque fois, c'est al-ibra bi'umum al-lafz, la bi-khusus al-sabab. C'est-à-dire, l'ibra, la leçon qu'on doit tirer des règles dans le Coran ou des versets, eh bien, ça ne concerne pas la cause, la cause particulière pour laquelle elle a été révélée, mais ça concerne la généralité de la des termes employés dans le verset. Non. Donc, et ça, un autre exemple que je peux vous donner de ça aussi, qui va vous aider un peu encore à comprendre, c'est les gens, les modernistes, eux sont les champions là-dedans. Les gens qui prennent des versets, qui les interprètent d'une façon pour essayer d'annuler l'application de l'islam. Par exemple, ceux qui disent, par exemple, bon, le porc était interdit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que, à cette époque-là, les porcs n'étaient pas bien entretenus et on les laissait dans la nature et puis il y avait plein de saleté, il restait dans la saleté et tout. Puis ça ramassait des bactéries, puis c'était dangereux. Et puis surtout avec le climat. Donc à cette époque-là, Allah avait interdit le porc. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a des porcheries très propres, avec toutes sortes de nouvelles manières de préserver les porcs pour pas qu'ils soient réanimés dans la saleté, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ça le fait halal même. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, Allah nous fait ils ont même allé jusqu'à dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui, il aurait interdit le bœuf parce que c'est à cause de la vache folle. Hein? Et allez, c'est pour vous donner des exemples comment ces gens-là, ils prennent la religion uniquement en se basant sur leur raison. Et c'est ce qu'ils adorent en fait. Ils adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent leur tête. Parce que leur tête leur sort d'arguments rationnels. D'accord? Et ils ne comprennent pas que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a décidé que c'est halal et que c'est haram, et nous on doit obéir à ce qu'il nous demande. Un autre exemple. Ceux qui disent par exemple, bon, le hijab était interdit, ordonné à des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il y avait des guerres et il y avait toutes sortes de problèmes donc, dans la société à cette époque. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes-là, donc le hijab c'est plus obligatoire. Ils essaient de limiter toujours de limiter une règle islamique à une époque ou à l'époque à laquelle elle était révélée. Hein. Un autre exemple que je pourrais donner à ceux, c'est la polygamie. C'est un des meilleurs exemples aussi, c'est que ces gens-là, ils vont dire, bon, à l'époque du prophète, il y avait beaucoup de guerres. Et donc, à cette époque-là, il y avait des veuves, et donc, il fallait les marier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerres. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est pas vrai, il y a encore des guerres. Même, ils sont encore plus désastreux, c'est plus meurtrières que les guerres d'auparavant. Donc, et donc, ce n'est pas un bon argument. Donc, ça, c'est un exemple de quand ils essaient de détourner ou de limiter un verset à la cause de sa révélation. Donc, ça, maintenant, je pense que vous avez bien compris qu'il ne faut pas se limiter à la cause de la révélation, mais il faut voir le verset comme étant une règle générale qui s'applique à toute situation qui correspond à cette situation-là. D'accord? Même si c'est une autre époque. Donc, c'est ça que le chef nous donne comme exemple. Il dit que les versets ne sont pas limités aux causes pour lesquelles elles ont été révélées en particulier. Mais pour le Yanil. Et ça, c'est une chose qui est sur laquelle tous les savants de l'islam sont en accord. D'accord? Et le chef, il dit par la suite que aucun des musulmans, parmi les ulama, a jamais dit que les versets du divorce ou de zihar ou les autres choses sont révélés uniquement pour les personnes à qui ça avait été révélé au temps du prophète. Ensuite, il continue et il dit, والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن كان سببه أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا ومعنى في أي نوع كان ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن فدعوته شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة وإنما علق الأحكام باستفاضة مما يحبه الله ومما يبغضه فأمر بما يحبه الله سبحانه وتعالى ودعا إليه بحسب الإمكان ونهى عما يبغضه الله حسب مادته بحسب الإمكان وحسن مادته بحسب الإمكان ولم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية. Donc, c'est ça que le cheikh explique, ça avait été expliqué aussi la dernière fois. Et qu'est-ce que ça signifie? En plus, il y a un point que je voulais clarifier justement à ce sujet-là. Le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est le point qu'on essaie de faire comprendre ici, c'est que il y a certains versets, même si yani, la cause de la révélation de ces versets était chez les Arabes, à l'époque des Arabes, le chef il dit, malgré ça, le jugement de ce verset, ou le verset, ou la règle qu'on peut tirer de ce verset, elle est générale, même si elle a été révélée chez les Arabes. Et elle s'applique à tout ce qui peut entrer dans ce contexte, dans le contexte, ou dans la situation, ou le, qui peut arriver, que ce soit yani la règle, elle s'applique, que ce soit par l'offre, yani par le mot, ou par la signification de ce mot-là dans le Coran, ou de cette règle. Et le prophète, le cheikh, il dit que Mohammed avait été suscité, ou on l'a envoyé pour les hommes et les djinns, et donc sa da'wa, qu'on appelle, était pour toute la création, parmi les djinns et les hommes, et pour tous les nationalités ou toutes les ethnies. Il n'y avait pas une spécificité pour un peuple en particulier comme les Arabes. Et ça, c'est une chose aussi qui est importante de comprendre. Parce que si on regarde aujourd'hui, là, par exemple, on va être dans l'autobus ou à l'école ou quelque chose comme ça, et moi, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des musulmans de deux pays différents qui se parlent ensemble. D'accord? J'ai rencontré des musulmans qui sont africains, avec des musulmans qui sont par exemple d'un autre pays, asiatiques, ou bien de l'Asie, hein, ou bien de l'Europe ou ailleurs, Turquie et d'autres. Et puis, quand ils se parlent entre eux, ils se parlent comme si ils étaient de deux religions différentes. C'est-à-dire, ils disent, ah, mais nous, dans notre pays, on fait pas ça. C'est pas comme ça dans notre pays, ça c'est interdit. Et l'autre, la personne qui vient de l'autre pays musulman, elle lui répond et dit, ah ouais, mais chez nous aussi, c'est pas permis, mais c'est comme s'il y avait aucune relation entre les deux au plan de la religion. Hein? Et donc, quand tu regardes ça, tu dis, subhanallah, comme s'ils n'ont pas compris qu'on doit se référer au Coran et à la Sunna pour comprendre les règles de l'islam. Et ça, c'est une chose aussi que beaucoup de musulmans qui ont compris la religion uniquement d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié les bases de l'islam, le Coran et la Sunna. Donc, ces gens-là, quand ils parlent de la religion, ils se limitent uniquement à ce qu'ils ont connu de leur culture dans leur pays. D'accord? Et si, par exemple, on leur parle de d'autres choses qui ne sont pas connues dans leur pays, ils le rejettent. Même si ça fait partie du Coran et de la Sunna. Par exemple, il y a certains pays où les femmes ne portent pas le hijab islamique, c'est-à-dire le hijab selon les conditions de la charia. Dans leur pays, ils se voient d'une façon vraiment légère et ils laissent voir beaucoup de parties de leur corps et ils ne se couvrent pas islamiquement. Sauf que quand ils voient d'autres femmes musulmanes qui se couvrent comme il faut, selon la charia, ils disent, ah, ces gens-là, ils exagèrent, soulignent « Ah, ces gens-là, ils me dépassent la limite, ils sont des extrémistes, ou je ne sais pas quoi. » Alors qu'en réalité, ce que ces femmes-là font, c'est en accord avec l'islam, c'est en accord avec la charia. Donc, il ne faut pas prendre seulement en se basant sur la culture, sur la tradition de notre pays, d'où on vient. Qu'on soit africain, ou qu'on soit d'un autre pays, il faut toujours retourner à la charia, et il faut essayer de comprendre la religion de l'islam, et non de se baser sur les traditions. Pour des gens qui sont convertis à l'islam, c'est la même chose. Il y a des groupes musulmans, là, comme des Ikhwan Muslimin ou d'autres, eux, ils essaient toujours d'adapter la religion à la société. C'est-à-dire, au lieu de faire que les gens s'adaptent à la religion, ils essaient d'adapter la religion aux gens. Alors, ils leur permettent de faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la charia, juste pour faire plaisir, ou pour croire que c'est l'arche de Allah, ou bien au nom de la facilité. C'est-à-dire, si une femme vit en Amérique, oui, bon, ils vont lui dire, bon, c'est correct, tu peux porter un jean avec un petit chandail, et puis tu mets un petit foulard sur tes cheveux, et puis ça, c'est correct, ça va être un hijab. Même si ça, c'est contraire à tout ce qui est expliqué dans le Coran et dans la Sunna, et dans les paroles des Sahaba et des Tabi'in au sujet de la description, comment doit être le djilbab et tout ça. C'est juste un exemple que je donne en passant, pour faire comprendre un peu la différence qu'on doit comprendre entre la culture des pays musulmans et l'application de la charia et de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas dans certains pays, tu dis à quelqu'un, il faut faire ça. Il te dit, ah non, ça c'est des Arabes. Ça fait partie des Arabes. Nous, on fait pas ça. C'est comme si ne se base pas sur le Coran et la Sunna, mais ils pensent que c'est une affaire spéciale pour les Arabes seulement. Comme si il y a des règles, c'est juste pour les Arabes, puis le reste, c'est pour, on fait ce qu'on veut. Non. Il y a des règles qui viennent dans l'islam, même si ça a été révélé pour les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça a été révélé pour toute l'humanité, pas uniquement pour les Arabes. Sauf que, comme le cheikh, il va l'expliquer maintenant, il dit, les règles dans le Coran, elles sont pas particulières aux Arabes. Elles sont des règles générales et elles sont des fondements. Hein? Et Allah a attaché les règles dans le Coran aux attributs, aux qualités. Aux qualités que Allah a décrit. C'est comme des attributs, des sifats. Okay? C'est des caractéristiques. Comme par exemple, il a utilisé le mot musulman, kafir. Il n'a pas utilisé le mot noir ou blanc ou arabe ou italien ou chinois ou blanc ou autre caractéristique. Il a limité ses règles aux caractéristiques qui se basent sur la foi et qui ont un rapport avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc il n'y a aucune distinction au sujet de la nationalité ou de l'origine. Et le cheikh dit, ولم يخص العرب بنوع من انواع الاحكام الشرعيه اذ كانت دعوته لجميع البريه لكن نزل القران بلسانهم واغلبه نزول بلسان قريش لاجل التبليغ لانه بلغ قومه اولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الامم. Non. Donc, c'est ça qu'il dit le chef. Il dit, même si la plupart du Coran était révélé en arabe, et tout le Coran était révélé en arabe, et en particulier dans la langue de Quraysh. Pourquoi? Parce que c'était le peuple du prophète, c'était la tribu du prophète, c'était Quraysh. Donc, il s'est adressé dans la plupart du Coran dans la langue de Quraysh. Et le but, c'était de transmettre le livre à la révélation à son peuple, hein, parce que les Arabes, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient beaucoup d'accents, beaucoup de dialectes différents, hein, ils n'étaient pas tous sur la langue de Quraysh, il y avait différentes langues aussi parmi eux, les Arabes. Sauf que la plus haute, la plus pure, c'était celle de Quraysh. Donc il dit, ça, ça a été fait de cette façon-là, c'est parce que c'était pour transmettre le message plus clairement à son peuple. Et par la suite, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le message soit transmis à tous les autres peuples. Et il a été ordonné de transmettre à son peuple en premier, puis d'ensuite d'aller du plus près en plus près, comme il a ordonné dans le cas du djihad, d'aller à celui qui est plus près, puis le plus près et de plus en plus loin, aller de cette façon. Du plus près vers le plus, aller par la suite, on va au plus loin. On ne commence pas par celui qui est loin, puis ensuite, allez, on commence par celui qui est à côté de nous. On commence par celui qui est à côté de nous, après on va à celui qui est loin. Comme dans le da'wah en général, on commence toujours par nos proches. Après, on s'en va, on tourne le mot à l'extérieur, au travail, à l'école, et puis dans notre quartier, et puis après, on commence de cette façon. Masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Naam. Shakir. Ah oui, c'est Mouhtar. Non, on connaît là. Eh, Mashallah. Ok, donc, on était en vie. Donc, le chef dit, وما كان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس وكما كان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس فهو مبعوث أيضا إلى الجن فقد استمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله عز وجل وهذا متفق عليه بين المسلمين. Donc, il répète encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était envoyé aux hommes et aussi il était envoyé aux djinns et les djinns ont entendu sa récitation du Coran et ils sont partis avertir leur peuple par la suite comme Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça et ça c'est une chose sur laquelle tous les musulmans sont en accord. Non. Non. Ils sont aussi mukallafoun, ils sont aussi ordonnés, les djinns aussi sont ordonnés de suivre la religion comme les êtres humains. Ouais, ils sont ordonnés de faire la salat, et puis même parmi eux, il y en a qui ne suivent pas l'islam, il y en a qui sont dans le christianisme, d'autres qui sont dans le judaïsme, d'autres dans d'autres religions bid'a parmi eux, il y a toutes sortes de. Donc, ceux qui suivent le shaytan, ils sont des alliés d'Iblis. Et Iblis lui-même, il était un djinn, comme on avait expliqué ça la dernière fois. Donc, le cheikh il continue de dire, وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ خِطَابِ الثَّقَلَيْنِ مَا يُبَيِّنْ هَذَا الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ô assemblée de djinns et d'hommes, les messagers ne vous ont-ils pas été, ne vous ont-ils pas été envoyés? Ou est-ce que les messagers ne vous sont pas venus avec le message? Donc ça c'est dans Sourate Al-An'am, verset 130. Et dans un autre verset, le cheikh il mentionne, il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْجِنِ أَنَّهُمْ قَالُوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي مذاهب شتى مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون والقاسط الجائر ويقال قطط إذا جار وأقسط إذا عدل. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a informé, le cheikh dit que Allah a informé au sujet des djinns qu'il y a parmi eux ceux qui sont pieux et ceux qui sont pervers ou qui sont pécheurs. Et il a aussi expliqué qu'ils sont en différentes sectes ou en différentes religions ou en différents groupes. Hein, il y a parmi eux les musulmans, il y a parmi eux les kuffars. Parce qu'Allah dit, kunna, tara, il y a il dit que les djinns ont dit kunna fara'iqa qibada, c'est-à-dire nous étions dans des différentes religions, différentes mazahib, et parmi nous certains étaient musulmans et d'autres étaient kuffars, et parmi nous certains étaient dans ils font partie de Ahlus Sunna, et certains parmi eux sont de Ahlul Bid'a, ils font partie des innovateurs. Par la suite, il mentionne le Cheikh un autre verset, dans Surah al-Jinn encore, dans lequel Allah Ta'ala dit « وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ » Et parmi nous, il y a les musulmans, et il y a aussi les injustes. Et le Cheikh il explique que « Al-Qasit » c'est-à-dire l'injuste, celui qui transgresse, donc qui fait de l'injustice, et ça c'est quand on dit « Qasata » ça veut dire « Jara » mais quand on dit « Aqfata » ça veut dire « être juste ». Ouais, c'est un mot qui s'écrit pareil, sauf que qasata et aqsata. Qasata ça veut dire être injuste, et puis aqsata ça veut dire être juste. C'est le contraire. C'est la même racine, sauf que ça a deux significations, deux sens opposés. Après, il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية, donc le chef il mentionne les paroles de شيخ الإسلام, il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية, يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيمان بما الإيمان به وبما جاء به وطاعته, وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ويحبوا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وأن كلما قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. Donc le cheikh il explique, il dit les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit il est obligatoire pour l'homme de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les thaqalayn, c'est-à-dire aux deux mondes, le monde des djinns et le monde des êtres humains, et il a ordonné à tous ces djinns et aux hommes de croire et d'avoir la foi dans ce qu'il a envoyé, et de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, et de l'obéir. Donc c'est pas uniquement de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de dire oui je crois en lui, mais aussi il faut également l'obéir. Parce que celui qui dit je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'obéit pas, n'a pas vraiment cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des musulmans qui disent je suis uniquement ce qui est dans le Coran. S'il y a un hadith qui vient, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, même si tu lui mentionnes ça, il dit non, moi je suis juste les paroles d'Allah, comme si on doit juste obéir à Allah, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est contraire au Coran même, parce qu'Allah nous dit dans le Coran d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit ça, il n'a pas obéi à Allah, même il n'a même pas suivi le Coran, d'accord? Donc de l'obéir et de rendre halal ce qu'Allah a rendu halal ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son messager, et d'interdire ce qu'Allah a interdit ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses dans la sunnah, qui ont été interdites dans la sunnah, qui ne sont pas interdites dans le Coran. Et donc, on ne peut pas dire, par exemple, si certaines personnes font quelque chose qui est haram, et qui nous dit ça c'est haram, ils disent, mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Il dit, ouais, mais c'est pas grave, il y a un hadith authentique qui explique que cette chose-là est haram. Donc, t'as pas le droit de le faire, même si c'est pas expliqué dans le Coran. Et Allah s'est dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, allez, alors écartez-vous-en. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ceux qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas ça, ils ont contribué le problème. Ensuite, le chef il donne un autre exemple, il continue à expliquer ça, il dit, il est obligatoire pour les musulmans d'aimer ce que Allah aime. Il faut aimer ce que Allah aime. Ainsi que ce que le prophète aime, il faut l'aimer aussi. Hein? Et c'est obligatoire ça. C'est obligatoire d'aimer ce que Allah aime ainsi que son prophète. Et c'est obligatoire aussi de détester ce que Allah déteste ainsi que son messager. Il faut détester ce que le messager d'Allah déteste. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Ça, ça fait partie de la foi. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et le chef, il continue, il dit, et tout ce qui a été établi comme preuve de la prophétie du prophète, du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que, yani, s'il y a parmi les hommes, ou les djinns, quelqu'un qui refuse d'y croire, refuse de croire à ce qui a été établi du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les djinns ou les hommes, eh bien, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tous les autres, yani, mécréants, qui ont mécru au prophète qui leur avait été envoyé auparavant, c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un fondement sur lequel tous sont en accord. Parmi les Sahaba et les Tabi'in. Les Tabi'in, c'est qui? Qui tu peux me dire c'est qui les Tabi'in? Non, ceux qui sont venus après les Sahaba. Ok? Donc, c'était les élèves des Sahaba. Donc, les Sahaba sont tous d'accord là-dessus, ainsi que les Tabi'in. Ceux qui les ont suivis dans le bien, les ihsan, et les grands imams parmi les musulmans, les grands imams de première génération, les grands savants, et tous les autres gros parmi les musulmans d'Ahl Sunnah, Wal Jama'ah, ils ont tous été d'accord sur ça, tous ensemble. Ça a été tiré dans Majmou al-Fatawa du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, volume 19, la page 9 et 10. Ensuite, une autre caractéristique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit, وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنْزَالُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ الَّذِي أَذْعَنَ لِإِعْجَازِهِ الثَّقَلَانِ وَأَحْجَمَ عَنْ مُعَرَضَتِهِ مَصَاقِيعُ الْإِنْسِ وَالْجَانِ واعترف بالعجز عن الاتيان بأقصر صورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان وقد سبق تفسير ذلك. Donc le cheikh il dit que une des caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé le Coran al-Azim, le neuf Coran. Et ça, dans le Coran, comme on a déjà expliqué dans un autre cours auparavant, qu'il y a dans le Coran un défi que Allah a lancé à tous les hommes et les djinns. C'est d'être capable d'arriver avec le plus petit verset qui est dans le Coran, d'essayer de venir avec quelque chose de semblable. Et ce défi-là, elle a prouvé la faiblesse et l'incapacité de toute l'humanité et de tous les djinns. Parmi les kuffar, il y en a qui n'ont jamais réussi à apporter quoi que ce soit de semblable au Coran. Donc, peu importe leur niveau d'expression ou d'éloquence dans la langue, ils n'ont jamais été capables d'égaler l'éloquence du Coran, la parole d'Allah Ta'ala. Après, une autre caractéristique que le Cheikh mentionne, il dit, وَمِنْ خَطَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام فكان قاب قوسين أو أدنى. Donc parmi les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est l'Isra. Allah l'a fait voyager pendant la nuit de Al-Madina jusqu'à, de Mecca, pardon, jusqu'à Baytul Maqdis, jusqu'en Palestine, la maison Baytul Maqdis, la mosquée Al-Aqsa. Puis de là, il l'a fait élever au-dessus du ciel jusqu'à Sidratul Muntaha, l'arbre qui est à la limite des cieux, et il était arrivé à une distance où il entendait le bruit des plumes des anges qui sont en train d'écrire la destinée, les destinées des hommes qui sont en train de les prendre en note dans leur livre. Donc, il s'est rapproché à une distance très proche, d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus des cieux. Et là-dedans, il y a une preuve aussi pour les gens de Bid'a, contre les gens de Bid'a, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est réellement au-dessus de sa création, d'une façon qui lui convient. Et il n'est pas comme eux, ils disent, il n'est pas partout comme eux, ils prétendent, et non plus que, comme certains essaient de nier qu'il est au-delà de son trône. Ça aussi, il y a une preuve là-dedans, dans Al-Mi'raj. Et le chef, il va l'expliquer ça en plus de détails plus tard, dans le prochain chapitre. Le chef dit par la suite, أما الخصائص التي اختص بها دون أمته, comme on avait vu au début, il y a des caractéristiques par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue par rapport aux autres prophètes, on vient de les expliquer. Là maintenant, il explique les caractéristiques par lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se distingue par rapport à sa umma, par rapport à tous les autres êtres humains, les autres musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quelle heure il est là? 10 minutes, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il mentionne maintenant, il va mentionner les paroles de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. Il dit, فقد قال القرطبي في تفسيره خص الله تعالى رسوله في احكام الشريعه بمعان لم يشاركه فيها احد في ابواب الفرض والتحريم والتحليل مزيه على الامه وهبت له ومرتبه خص بها ففرضت عليه اشياء ما فرضت على غيره وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم وحللت له أشياء لم تحلل لهم منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. Donc le cheikh l'imam al-Qurtubi il mentionne ici dans son tafsir que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines règles particulières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les règles de la sharia. Et il a mis certaines significations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partage avec personne d'autre dans sa umma. Par exemple, dans les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est fard, ou qu'est-ce qui est haram, ou qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Et ça, c'est des particularités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par rapport à la umma, et pour le distinguer du reste de la Umma. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, par exemple, le chef il dit que certaines choses lui ont été ordonnées ou rendues obligatoires, alors qu'elles n'ont pas été rendues obligatoires aux autres, à d'autres que lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines choses ont été interdites parmi les actions, et elles étaient permises pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elles étaient interdites pour d'autres que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines choses ont été permises aux autres, alors qu'elles lui sont interdites pour lui. C'est le contraire. Il y a certaines choses, c'est le contraire. Et il y a d'autres choses, et le cheikh dit, minha, muttafaqun alayhi, certaines d'entre ces cas, ces particularités sont, tout le monde est d'accord à leur sujet, et d'autres, il y a des différences d'opinion parmi les ulama. et il a donné par la suite quelques exemples. Et le cheikh il dit, فمنها التهجد بالليل يقال إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Par exemple, le fait de prier la nuit, c'était ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il meure. Et ça, la preuve de ça, c'est un verset dans le Coran. Ya ayyuhal muzammil. La traduction de muzammil, c'est celui qui est couvert. Celui qui est recouvert. Non, celui qui est recouvert, ô toi, celui qui est recouvert d'un drap ou quelque chose comme ça, lève-toi la nuit, la nuit pour prier, excepté une partie de la nuit, hein, c'est-à-dire, lève-toi pour une partie de la nuit pour prier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le chef dit, wa rajih annahu kana wajiban alayhi, thumma nusikha bi qawlihi ta'ala, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Et le chef dit que l'opinion correcte, c'est que ça a été obligatoire pour lui, au tout début, puis par la suite, ça a été abrogé par un autre verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que il pouvait faire des prières volontaires la nuit et que c'était pas obligatoire pour lui. Et le chef il donne d'autres exemples. Il dit وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait à faire un acte, une bonne œuvre, une bonne action, ça devenait obligatoire de continuer pour lui à toujours le faire. Il ne pouvait plus l'abandonner par la suite. ومنها تحريم الزكاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم n'avait aucun droit de prendre la zakat et ni ses descendants, les gens de sa famille. Parmi les autres caractéristiques, ومنها أنه أحل له الوطال في الصيام. Parmi les caractéristiques particulières pour le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, c'est que Allah lui a permis de continuer le jeûne durant le Ramadan. C'est-à-dire, même après le Maghrib, même après le coucher de soleil, il avait le droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de continuer à jeûner, comme ça, sans s'arrêter, sans briser le jeûne. Mais ça, c'était uniquement permis pour le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهَا أَنَّهُ أُحِلَّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. Parmi les caractéristiques, c'est qu'il a eu le droit de marier plus que 4 femmes, alors que pour le reste de sa umma, il faut se limiter à 4. On n'a pas le droit de marier plus que 4 femmes. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu jusqu'à 9. Sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهَا أَنَّهُ وَحِلَّ لَهُ الْقِتَالُ بِمَكَّةِ. Parmi les caractéristiques, c'est qu'on lui a permis de combattre à la ville de Mecca, qui est un sanctuaire, il y en a un endroit sacré, il n'a pas le droit de combattre en général à Mecca. ومنها أنه لا يورث. Il mérite, personne mérite de lui. Il n'est pas d'héritage pour ses successeurs. C'est comme les autres prophètes. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Un autre, pour finir, la dernière exemple, c'est qu'il dit « بقاء زوجيته لنسائه بعد الموت فلا يحل أن يتزوج بهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين وإذا طلق امرأته تبقى حرمته عليها فلا تنكح إلى غير ذلك من الخصائص النبوية ولنتكلم عن ثلاث من أعظم القصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسراء والمعراج وعموم رسالته وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. Donc on va arrêter ici, c'est la fin du chapitre, et puis on va continuer la semaine prochaine dimanche à la même heure, inshallah, 5h30 après la prière du Maghrib. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ça va, alhamdulillah.